Bienvenue sur Radio Gamozo, ravi de vous retrouver dans l'émission Drôle d'expression et questions délirantes. Je continue de décrypter les expressions qu'on utilise et les questions qu'on se pose dans nos têtes et toujours dans la bonne humeur. Drôle d'expression et questions délirantes, épisode 14, c'est parti. Tout de suite une expression. Clouer le bec à quelqu'un. Il est tentant d'imaginer que l'origine de cette expression serait un clouage en bonne et due forme, comme pour une qu'on le souhaite condamner. En l'occurrence, il faut empêcher que plus un mal ne sorte de la bouche de son interlocuteur. On veut l'immobiliser sur place, lui rêver son clou. Bec est un mot familier pour désigner la bouche, dont on retrouve l'allusion d'en rabattre le caquet. Le bec évoque ici celui d'un volaille piaillant à tue-tête. Cependant, clouer vient du verbe clore et signifie rien d'autre que fermer la bouche à quelqu'un que l'on retrouve dans une expression brutale et grossière, je m'en excuse d'avance, de ferme ta gueule. Le sens propre de cette expression n'est pas un mystère pour les chirurgiens qui doivent soigner les fractures des maxillaires inférieures. Nommez aussi la mâchoire inférieure et maintenant mandibule. Cet os joue un rôle fondamental, notamment pour manger, parler et rire. Un coup de poing ou un accident de la circulation sont souvent à l'origine de ces fractures. Dans les cas graves, deux techniques sont souvent possibles, soit la fixation des parties fracturées avec des vis et des plaques, soit en clouant le bec. Dans ce deuxième cas, l'opération consiste à attacher les mâchoires inférieures cassées, la mâchoire supérieure ou au moyen de barres d'immobilisation ou de dispositifs d'attache utilisant des fils métalliques ou élastiques. Ce dispositif doit être maintenu pendant plusieurs semaines en attendant la consolidation de la fracture. Pour manger avec les deux mâchoires attachées, il suffit d'utiliser une grosse paille et de se contenter de liquide, de purée, de bouillie ou d'aliments mixés. Pour parler en revanche, c'est plutôt motus et bouche cousue. Je cite « Votre maman sera heureuse ici. J'ai envie de lui clouer le bec, mais à quoi bon m'en faire une ennemie ?» Il est clair que pour elle, ses vieux retombent en enfance. Et les dorlotes, et les maths. J'en suis sûr, opine mon fils. Catherine Armani Veil, tiré du roman Dalia chez Albin Michel, 2008. C'est le moment de la question délirante. Pourquoi le ciel est-il rouge le soir? Qui n'a pas en tête le souvenir d'un coucher de soleil magnifique, vu quand on était en vacances, ou par surprise dans la ville où nous habitons? C'est joli, c'est poétique. Mais je vais casser un peu l'ambiance avec une explication finalement très rationnelle. Le soleil irradie la Terre tous les jours, de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Même si le ciel est bleu quand il fait beau, techniquement toutes les couleurs sont émises par le soleil. Sauf que les couleurs sont en fait des ondes qui ont des longueurs variables. Les rayons du soleil doivent parcourir la totalité du chemin jusqu'à la Terre, dans l'espace, puis ils doivent percer la couche atmosphérique de notre planète pour arriver jusqu'à nous. En pleine journée, quand le soleil est plus haut dans le ciel, les rayons qui nous parviennent réussissent facilement à traverser la couche atmosphérique. Nous recevons aisément les couleurs aux ondes les plus courtes comme le bleu ou le violet, d'où le fait que le ciel devienne bleu et que la lumière soit claire. Lorsque le soleil se couche, il est plus bas dans le ciel. La couche atmosphérique que ces rayons doivent traverser est alors beaucoup plus épaisse. Coup dur pour les couleurs aux ondes courbes qu'on ne peut plus percevoir. Réussite pour les couleurs aux ondes longues qui prennent la place de ces dernières, qui s'apparentent au rouge et à l'oranger. C'est ainsi que le ciel perd son bleu et la lumière son éclat au coucher du soleil. Ça reste quand même poétique, avoué. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Et c'est déjà pas mal. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur les expressions et les questions délirantes sur Radio Gamozo. passez une belle journée. Salut!